Bonjour. Donc, je vais attendre un petit peu. Bon matin, Lionel. Je vais attendre un peu. Donc, c'est quoi que ce soit? Des sujets ou n'importe quoi. Ça dépend un peu. N'importe quoi. Bon, on verra, hein? Donc, je vais vous attendre. Hey, bon matin, Madame Gusmanovitch. Bon matin, Franck. Monsieur Robertson, bon matin. Bonjour, je suis dans le jeu. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Peu importe, là. Hein? Pourquoi pour. Bon matin, Zo 357. Denis, bon matin Audrey, bonjour. Madame Kuzmanovitch, plutôt après-midi, oui. Mais ici, c'est encore le matin. L'avant-midi, disons. Bonjour Cristal, bon matin. Donc, est-ce que quoi que ce soit, n'importe quoi. Il y a une grève au Québec, oui. Ben oui, mais c'est le même jeu qu'habituel. C'est pas bien, ben, bon, on est habitué. Hein. Fatima, bonjour. Bonjour à vous. Donc, oui, les grèves, bon, ça va commencer, ça va durer un temps, puis ça va. Il va y avoir des bons. Ils vont finir par s'entendre. Puis finalement, c'est ça. Puis ça va recommencer dans pas long. Bonjour au sujet. La couverture du dernier des économistes, ben, il aurait fallu que j'aille la voir. Puis la dernière, bon. Les agriculteurs en France manifestent. Moi, ben, un peu comme il est arrivé aussi aux Pays-Bas. Puis bon, ça commence. Hein. Ben, il va falloir que, oui, les agriculteurs, s'ils veulent continuer d'être agriculteurs, on s'en va vers une industrialisation, hein, de l'agriculture. Donc, moi, ouais, en Hollande, ça a eu des petits revirements, jusqu'à un certain point. Le fait d'avoir intégré des formes. Je m'amuse plus, j'écoute plus de musique, je m'ennuie pas, ben oui. Ben c'est comme ça. À un moment donné, il peut y avoir des rechutes. Médusa, bonjour. Chanienne, bonjour. Ah oui, mais là, il peut y avoir des rechutes à un moment donné. Ça peut arriver. Hein? On n'est pas non plus pour une question. Que pensez-vous des soins quantiques? Quantique. C'est la mode actuellement. Ben, vous avez votre réponse, c'est la mode. Donc, il y a un marché. C'est comme au 19e siècle, à un moment donné, c'était la mode, c'était l'électricité. Il y avait plein de. Il y a encore des catalogues qui existent, c'est tous des gadgets liés à l'électricité, à l'électrothérapie. Ben, il y en a peut-être là-dedans que c'est correct. Medbed. Ouais. Il y en a peut-être là-dedans qui. On ne le sait pas. C'est ça, hein? Des fois, il sort du lot. Des choses. Fait qu'il y en a peut-être. Pourquoi pas? Mais bon, habituellement, quand il y a une mode, l'électrothérapie, c'est quoi donc? C'était quoi donc? Les affaires tachyoniques. Moi, les chambres, il y a quelqu'un qui me l'écrit, les chambres à tachyons. Hein, ça peut marcher par rapport à l'autosuggestion, l'effet placebo. Mais comme c'est à vous, ça, ces effets-là, c'est dommage de payer pour. Hein? Donc, comment être en joie dans ce monde en décomposition? Vous avez des astuces, il n'y a plus rien qui m'attire à l'extérieur, moi. Ben, si vous n'êtes pas polarisé dans votre mental, ça ne vous dérangera pas. Vous allez être de bonne humeur pareil. Mais des astuces, parce que, bon, les attitudes, c'est pas ce qu'il y a de plus. Non, pour être en joie, il faut l'être. Dans le sens que, pas pour une raison nécessairement, parce que, bon, on ne peut pas être tout le temps en colère. Hein. C'est comme les punaises de lit. Tout le monde parle. Moi, en Europe, ici, ça fait longtemps qu'on en a. Ben, pas dans ma région, là, mais en tout cas, c'est normal rendu là. Ça dépend en quoi. J'en ai parfait pour détourner l'attention. Et voilà. En Europe, on dirait que, bon, en France, mais il y a un, c'est pas les sujets qui manquent pour détourner l'attention. Donc, mais ça, est-ce que ça se pourrait freiner? Il y en a certains qui font des expériences avec les moustiques, là. Est-ce que ça se pourrait que. En tout cas, les punaises, c'est surtout lié aux rats. Ah oui, dans votre coin, c'est les rats qui les transportent. En tout cas, des bêtes partout. Oui, c'est pour ça que. En tout cas, il n'y a pas juste les punaises. Il y a le poids zéro de Denis Jutras. Ça fonctionne pas pour moi. Je ne sais pas de quoi vous parliez. Je ne connais pas Monsieur Jutras. Donc, mais habituellement, quand il y a des techniques, des méthodes, des ci puis des ça, ben, c'est comme si le monde ils veulent des techniques pour être moi. C'est un peu comme les ateliers de maîtrise de la colère, l'affaire respirer 10 secondes. Ça peut pas marcher tout le temps, dans tout. Mais les techniques, puis les attitudes, puis les. Bon, à un moment donné, c'est que c'est limité. C'est limité, ces affaires-là. Hein? C'est un peu comme on gère quelque chose au lieu de le régler vraiment. En tout cas, première fois quand j'ai vu Punaise de lit, je me dis c'est le nouveau délire, moi. C'est drôle, hein? Donc, au Québec, comme à Montréal, ça fait longtemps qu'il y en a des punaises de lit. Non, les Laura. Ah oui, ben j'ai pas vu plus haut. La punaise, c'est surtout qu'il y a les Laura, moi. Ben, je sais que quand mon père était enfant, il y en avait, là, à Montréal. Lui, il ouvrait ses fenêtres de chambre pour qu'elle gèle. Puis après, bon, il y a eu un bout de temps que c'était tranquille. Moi, Denis Jutras, un Québécois qui fait des vidéos YouTube, moi, je sais, mais je ne l'écoute pas. Dans le sens, je ne le connais pas. Il y en a beaucoup comme ça. Je ne les connais pas. Mais l'affaire, c'est que me doute un peu de. Dans le sens que c'est ça. Comme l'affaire, le point zéro, faudrait je vois c'est quoi, là. Mais il n'y a rien qui est magique. Si c'est toujours, si c'est lié à gérer des pensées par des pensées, ça, bon, ça, c'est contre-productif à un moment donné. Mais ça dépend, là, je suis au courant. Bonjour, Roselyne. Les techniques, c'est comme demander une chaloupe pour aller dans ce gros tourbillon, c'est ça. Dans le sens, c'est un peu comme si au lieu d'apprendre à marcher, on apprend à tomber sans se faire trop mal. Oui, mais ça, le but, ça devrait être. Mais ça dépend, là. Je parle pas de ça en particulier, là. C'est pas. Bon. En tout cas, chambre à tachyon, piège à con. J'ai fait trois séances, j'ai vu aucune différence, ben. Hein? Quand ça a commencé, ça, je disais, ben, quand je voyais en plus combien ça coûtait, puis je disais, voyons, on va vous en faire une chambre à tachyon. Ça ne coûte pas si cher. Point zéro, c'est dépolariser le négatif en positif. Ouais, mais est-ce que c'est une attitude psychologique simplement? C'est-à-dire, ce qu'on est dans de la transformation liée à des attitudes, ou s'il y a une transmutation, qu'il n'y a plus de point de retour en arrière. En tout cas, Fatima, vous n'avez pas vu la différence dans votre poche. Bonjour. Fait longtemps. J'ai pas passé en direct, mais j'ai du temps à écouter de quoi. Oh, c'est comme. On verra. Hein. Quelle est ta création en ce moment? Sur quoi tu te concentres? Sur rien de particulier? Vraiment pas. J'ai passé la semaine à spéculer sur l'or, sur des milliards. C'est ça, là. C'est ça qui m'a occupé cette semaine. Par quoi est-ce qu'on les pensait? Je sais pas, il faudrait peut-être reformuler. Les seuls que j'écoute, c'est toi, David Lévesque, l'oiseau moqueur, Osée changer, Pierre Blanchette. C'est déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Je rentabilise ma chambre à tachyon avec des totons. J'ai mis la boule de me faire rire. Moi, quel art, je ne sais pas. Hein? Très vampaliste, moi. Ben, très vampaliste. Vous allez voir que c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. C'est parce que c'est un peu comme il laisse du lousse. Il y a quelque chose de tactique. Il y a même des places qui ont bombardé des civils israéliens. Techniquement, au niveau tactique, pour éviter qu'ils se fassent kidnapper. J'ai vu ça à un moment donné, puis c'était des affaires officielles. Ouais. Eh, bonne celle-là. Hein. En tout cas, chambre à taquiner, moi. Eh, bon matin, l'oiseau moqueur. Les 666, t'en dis quoi? Bon, mais ça, c'est un peu, c'est lié à l'être humain. Dans le sens que. Comment je pourrais dire ça? Comme une porte vers l'être humain. Vers dedans. Vers dedans. J'en dis quoi? Ben, c'est une clé systémique, hein? C'est une clé systémique. Vous voyez qu'on voit des hexagones partout, là, depuis plusieurs années. Mais aussi au niveau. Ben, c'est pas une affaire de numérologie, là. Ça va plus loin que ça. C'est une affaire de cybernétique. Cybernétique. Comment se fait-il qu'il ne se passe plus rien en Ukraine? Ben, il se passe des choses, c'est juste qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ben, pourquoi? Parce que plus dans leur intérêt. Ça va revenir, vous allez voir. Comment se fait-il qu'il ne se passe plus rien en Ukraine? Ben, c'est ça, parce qu'on n'en parle pas. Mais il se passe des choses, c'est certain. Ben bon. Ben, j'ai écouté cette semaine une capsule au sujet du grand monarque. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Rien pantoute. Rien du tout. Ben oui, mais j'ai jamais eu de. Ça m'a jamais. Ça m'énerve pas. Ça, dans le sens que ça me. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, c'était l'inversion des pôles. C'était ici, les ça. Là, il allait venir ci, il allait venir ça, puis il y a tel avatar, puis tel gugus, puis telle patente. Puis là, bon, l'affaire des grands monarques. C'est des affaires ésotériques, là. Hein? J'en pense quoi de tout rien. Mes yeux, c'est de la mythologie populaire. La mythologie populaire. L'oiseau moqueur, bon matin. De Genitra, il apporte du neuf. Pour moi, ça fonctionne pas. Vous voyez? Ben, dans le fond, c'est ça, c'est du cas par cas. Si ça fonctionne pour vous, aucun sauveur extérieur, ça c'est sûr. Ouais, ça dépend. Le syndrome du gourou de genou plié. Ouais, je ne sais pas de quoi on parle. Comment ton canal s'est ouvert à celui dont nous pouvons prononcer son nom? Ne sais pas de quoi vous parlez, là. Mais là, l'affaire, c'est bon. Le canal est ouvert, il n'est pas ouvert. Tout le monde a un canal. Tout le monde. C'est juste qu'ils ne l'entendent pas. Ils sont pas sensibles à. Mais des fois, j'ose avec n'importe qui, là. Des fois, je parle avec des gens, puis ils m'en canalisent des affaires, c'est juste qu'ils ne savent pas. Il y en a qui m'en sortent des papiers. Ni bourreau, ni birou. Beaucoup aussi, moi. Mais c'est ça, c'est des modes, quelque part. D'une certaine façon. Personne ne parle des couleurs vibratoires rouge, vert, bleu. Ça fait partie de la base, il me semble. Moi, ben. Comment je pourrais dire ça? Juste le vibratoire. Moi, j'ai pas le temps de vous lire, je pense. Ben, je sais pas, là. Je vous ai vu quand ça a disparu dans le jeu. Juste la vibration, c'était déjà le 3. 80% du monde sont daltoniens de ça. Donc, imaginez, là. On se met à parler des couleurs. Parce que c'est vrai que c'est le plus. C'est plus. Dans ce qui est le plus évident. Dans ce qui est le plus évident. Personne, moi. Jeanne, traduction, elle a fait une vidéo intéressante. Ah, mais il faudrait que j'aille voir. Ça ne me dit rien. Bonjour, Hélène. J'aime bien Jeanne, traduction. On s'entend. On s'entend que la job de l'être humain est simplement d'être de bonne radio. Ouais, mais pas seulement. Les bons opérateurs radio. Une radio tout seul, ça vaut pas grand-chose. Tu sais, de couleur vibratoire bleu. OK. Ça se peut. Ça doit dépendre du temps. Un ami à moi dit que depuis qu'il a. Si, tatoué dans le cou, il est toujours chanceux. Je préfère casser de la vaisselle comme les Grecs. Ouais. On verra. On verra. C'est parce que ceux qui croient à la chance sont faits. C'est pas être chanceux de croire à la chance. C'est de croire à la chance. Dans le sens que ça donne de même. Tout se paye, hein? Tout se paye. C'est quoi la chance? Comment ça, non? Moi, je vous dis des causes à effet. Je ne crois pas au hasard ni à la chance. Mais bon. Voilà la chance. On se la fait, moi. Ça dépend. Ça dépend. Je sais pas. C'est comme. Bon. Les communautés asiatiques, là, eux autres, c'est 8. Maintenant, ils sont chanceux, ça peut durer longtemps. Ça peut durer un bout de temps. Puis à un moment donné, puis ça marche plus. Hein? Dans le temps. La chance, c'est pas quoi qui est tout le temps. Christ, Christ, ma couleur à moi. Rose banane. Ça, oui. En tout cas, ça dépend. C'est quoi être chanceux, c'est ça. Vraiment. Il y en a qui se pensent chanceux. Je me souviens d'une femme, elle avait gagné 3 fois à la loterie. Mais son mari s'est suicidé, son entreprise a fait faillite. En tout cas. Hein? Bonjour, Jean. Gagner des cryptos. Je trouve ça intéressant, hein, cette... En tout cas. Vous avez de la neige chez vous? Ben oui. Oui, beaucoup même. Oui, c'est l'hiver ici. Même faudrait que je pèle à côté. Déjà là, ici, c'est déjà comme ça. Hein? Être en bonne santé et reconnaissant de l'être et de manger à sa faim. Voilà la chance. Ouais. Puis c'est ça, comme je vous dis, c'est pas de. Crois pas vraiment à ça, la chance. Donc, Ben, t'inquiète, on passe presque tous vers le blanc. De l'or. Ouais, l'or. Ben, monté dans les dernières. Ça rebaisse tout un petit peu, mais bon. L'or va bien. L'or va bien. La chance, ça, c'est pas bon. La chance. Le hasard et la coïncidence sont des mots qu'on a inventés pour essayer d'expliquer de quoi qu'on ne comprend pas. On rationalise ce qu'il ne l'est pas. Dans le fond, c'est pas rationnel. Donc, bon. Ça, c'est plus intéressant. Ouais. L'osio. Marie-Jeanne, que c'est ça, Guiret. Chine, vous connaissez. Il donne des infos sur les choses liées au monde. Et la Suisse, ben non, mais comme vous savez, moi, je connais pas grand-chose. Hein? Une coïncidence, c'est une situation de provoquer. C'est quoi une coïncidence? Une coïncidence, c'est au niveau de ce qui coïncide. Puis là, on va dire une coïncidence comme on présume que c'est aléatoire. Mais au niveau de la mécanique, puis en science pure, il n'y a pas de hasard. Tout est cause à effet, tout est linéaire, tout est mécaniste. Mais là, ça, c'est au niveau. Ça dépend de votre vision. Ça dépend de votre vision du monde. Mais votre vision du monde ne changera pas le monde. Mais il y en a qui sont comme ça, purement mécanistes. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça, parce que des fois, on sent qu'il y a des forces qui vont forcer. Des fois, ce qui est aléatoire n'est pas vraiment. Puis, il y a des lois, au-delà de ce qu'on connaît. Donc, on va rationaliser au sens de nos connaissances. C'est là l'erreur tant qu'à moi, là. Pour que ces lois soient créées. Voilà, ça dépend. Les psaumes, car il y a une cause, moi. C'est qu'il n'y a pas de cause sans effet, puis il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, des fois, on arrive qu'il n'y a pas de cause, parce qu'elle n'est pas perceptible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Mais bon. Hein? Qu'est-ce qui changera le monde? Qu'est-ce qui changera le monde? Qu'est-ce qui fait que le monde est dynamique puis en mouvement? C'est un changement constant, le monde. Qu'est-ce qui changera le monde? Ben, lui-même. Au sens, c'est important, là. Je veux dire, ça dépend, là. C'est comment on le regarde, là, mais c'est pas vraiment important, tant qu'à moi. Dans le sens que, même si on définit qu'est-ce qui va faire ça, ce qui va arriver, ça ne changera pas. Puis bon, moi j'aime ça voir à mesure. Hein. Changement de sujet, Christine Joncourt a donné une entrevue intéressante chez Nexus. Je ne sais pas c'est qui. C'est ça, hein, je suis pas au courant de rien. BDM parle de régence planétaire. Peux-tu dire, s'il te plaît? On est sur une planète expérimentale et la plupart des humains sont inconscients, donc et c'est pas eux autres qui gèrent. C'est pas l'être humain qui gère, c'est quoi qui gère? Ça veut dire qu'on est géré. Bon. Pourquoi Bernard, par exemple, il parle de régence? Ça veut dire qu'un jour, il pourrait y avoir un transfert de gestion à l'être humain. Va y avoir une régence planétaire. Ça veut dire en attendant, c'est pas l'être humain qui gère. Bon, ça c'est une idée comme une autre. Ça fait partie entre guillemets, tradition spiritualiste du 20e siècle. Ça revient un peu les affaires des grands monarques, puis ces gugus-là, là. Moi, je pense que c'est évident que l'être humain il est inconscient collectivement. Donc, c'est évident qu'on se fait gérer par la programmation. L'aléatoire, entre guillemets, les lois de cause à effet, entre parenthèses. Mais bien franchement, je vais être franc avec vous autres, moi, c'est des formes qui me... Hein? Que fais-tu face aux situations de forçage? Ben, comme tout le monde, je rechigne un peu. Hein? Mais quand on est forcé, on est forcé. Donc, bon, ça dépend, là. Je viens de voir son entrevue. Ah oui, c'est drôle, là, vous regardez plus d'affaires que moi, pas mal, là. Ce soir, live BDM. Ah oui, j'ai pas vu encore. C'est Monsieur Riopelle, là. Ouais, bonne question. Y a-t-il des gens qui régressent au lieu d'avancer? Oui, ben oui. Mais habituellement, c'est des gens en général qui avancent pas vraiment. Dans le sens, il n'y a pas d'intégration. C'est une régression, c'est parce qu'il n'y a pas d'intégration. Mais habituellement, c'est des mécanismes de protection puis d'adaptation. Si vous pouvez pas vous adapter par l'intégration, vous allez vous adapter autrement. Voir la régression. Mais oui, il y en a du monde qui régresse. Comme des rechutes. Donc, il y en a qui sont comme une rechute. Quand vous régressez, vous en êtes conscient. Y a ceux qui gèrent et ceux qui disent gère, moi. Mais même au niveau de ceux qui gèrent, là, pas certain. Je suis pas certain. Quand je regarde les gouvernants qu'on a, ceux de la façade, là, c'est pas ceux qui gèrent pour vrai. Mais bon, c'est aussi intuitivement. Les forces involutives nous font chier. Je suis pas sûr. Dans le sens, les forces, il y a des forces évolutives, oui, nous font chier. Y a des forces involutives qui font qu'on a besoin de chier. Je sais pas si vous voyez. À un moment donné, il faut se purger de... Bon. Il y a beaucoup qui régressent et peu qui avancent. Ben, ça dépend. Mais collectivement, ça avance plus lentement qu'individuellement. Donc, on a tout le temps cette impression-là. Coucou, Régence planétaire, c'est pas le gouvernement invisible. Oui. Ben, ce qui gère puis qu'on voit pas, c'est ça une régence planétaire. Puis, ce qu'il prédit, c'est quand il va y avoir une masse critique de gens. Il va y avoir l'établissement de la régence planétaire, puis il faut supposer avoir première fondation. Puis bon. Mais je vais être franc, vous autres, je ne crée pas à ça, ces affaires-là. C'est pas de ma faute, je suis pas capable. Je suis pas capable. J'y arrive plus. J'y arrive plus. J'ai essayé hier d'écouter de mes rencontres. C'était quoi, donc? Bernard, il expliquait que l'univers n'existe pas. Je vais être franc avec vous autres, ça me faisait pas vibrer. Je trouvais ça plate, puis je n'ai pas été capable d'écouter au complet. Puis il y a des affaires, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. C'est pas parce que je le réfléchissais, là. C'est pas parce que je rationalisais, je faisais juste écouter de même. Puis, j'accroche pas. Puis il y a des affaires là-dedans, je trouve ça. Je fais attention là, à ce que je dis là. En tout cas. Bonjour, les punaises de lit, n'est-ce pas une manière de parler de certaines personnes qui viennent d'ailleurs? Ça serait pas une façon ben, ben le fun, hein? Dans le sens que, bon, ben, des personnes. Il y en a qui font des liens avec des parasites, même. En tout cas, beaucoup de gens ont épuisé physiquement et psychologiquement, Grégoire, de leur insécurité, peur et insécurité. Oui, c'est nécessaire. Qui est Sophia? Oh là, ça va trop vite, là. Sophia, les archons, ben là, ça dépend, là. Si vous voulez qu'on tombe dans des gugus de même, la Sophia, puis maintenant, ça va les éromper. C'est pour nous offrir, mais... La mort nous fait nous sentir dans l'urgence. On ne vit pas longtemps par ici. Bon, c'est une perception, ça. Eh oui, Fatima, la voix robotique, c'est dommage. C'est pas ça, c'est toute l'affaire. J'écoutais, il était pas au spire, là. Mais l'enregistrement sur lequel je suis tombé, je pense que j'accroche plus pas en tout. Faut le faire, hein. Je suis rendu là. Bernard, il me fait plus vibrer, puis il y a des affaires, je trouve ça pas d'allure, puis bon. Je suis en train de le digérer pour de bon. Ça dépend à quoi. Ça dépend à quoi. Mais hier, ça a duré 20 minutes, puis j'étais tanné. Bonjour Berthold et à tous. Bonjour Marie-Thérèse. Dans l'urgence, on fait que des conneries. Ouais, la panique. C'est quoi la panique? Ça vient de pan, tout. Ça veut dire quand il y a trop d'éléments à gérer. C'est impossible. Là, on panique. C'est-à-dire, c'est trop large. Trop, il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations. Un peu comme les autistes, là. Il y a trop d'affaires, là. Là, il y a une crise. Capote. Donc, spécial du mois, obtenez un deck de tarot supplémentaire à l'achat d'une séance de tachyon. Bon, le jour où les tachyons vont être mêlés là-dedans, moi, je mets ça, c'est total. On va trouver un autre terme. Hein? Merde, pourquoi tu fais attention? Ça dépend. Pourquoi je fais attention? Parce que c'est une icône, Bernard de Montréal. Je fais attention. Je fais attention. Il l'avait dit lui-même que ça ferait ça. Bon, je ne veux pas avoir de trouble avec des fanatiques. Il y en a des fanatiques de supplémentaires. Il y a un temps pour briser la forme. C'est facile de dogmatiser l'instruction. Voilà. Ouais. Cultiver la contenance, ouais. Ben oui, parce que dans le fond, l'ego puis le psychisme, tout ça, c'est comme une structure. Puis là, il passe de l'énergie puis du mouvement dedans, puis il y a une mécanique. Cultiver la contenance, c'est justement que la machine, elle soit fonctionnelle. Dans le fond, être un saint, c'est ça. Un saint d'esprit, c'est ça. Hein? Est-ce que vous faites toujours un peu de piano? Je regrette parfois d'avoir abandonné le plus jeune. Ben, j'aimerais ça, mais il est dans un entrepôt, mon piano. Donc, ça fait des années que j'y touche plus. C'est sûrement une perte quelque part, j'aurais pu faire de quoi. Ben, des fois, le propos de BDM me fait penser au gouvernement mondial. Oui, moi aussi. Moi aussi. Donc, je vous rassure. Hein? Bon, il y en a du monde qui pense que ah, BDM, c'est comme une secte, ça. Puis une fois que t'es là, je vais en perdre là, si j'ai pas. À force d'en écouter du BDM, je me demande au bout du compte, ça nous amène à quoi au juste? C'est ça. Ben, moi, dans le sens que oui, ça peut apporter jusqu'à un certain point au niveau de votre intégration personnelle, mais ça dépend comment vous abordez ce qui est dit. Puis là, même là, c'est pas une question d'attitude, c'est une question de perception. J'écoutais, c'est mieux, moi. Mais ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, il faut que vous ayez le discernement, savoir si c'est vous ou c'est pas vous. Si c'est vous ou c'est pas vous. Des fois, c'est écouter d'autres choses. Ça dépend, là. Ah, là, j'aurais pas le temps. Cela amène à la conscience des plans. Ouais. Ça, là, même là, ça dépend. Parce que ça peut être la connaissance, la croyance, la conscience des plans. En tout cas, j'ai lu, il y a du monde qui regarde les vidéos de BDM 8 heures. Tous les jours. Imaginez, là. Ben là, c'est un peu comme c'est se faire magnétiser. Là. Ça dépend. Ça dépend. Mais il reste que quelque part, c'est plus normal. Hein? Je ne bois presque plus. Je mange bien. Je travaille en forêt. Je suis épuisé et moins lucide qu'à l'habitude. Beaucoup m'ont confirmé se sentir zombie aussi. C'est peut-être une phase. Des fois, ben, quand on se ressemble, des fois, c'est un peu comme, même des fois, quand on arrête de boire, des fois, le corps, il réagit. Il y a même dans le cas de vrais alcooliques graves, il y en a qui en meurent, là. Je vais en perdre, là, attention. Faut pas aller trop vite. J'aime bien ma petite émission du samedi matin. Ceux qui questionnent. Bon, ben, tant mieux. Maintenant, je parle de fil, puis je veux pas en perdre. Faut que je lise, puis ça va vite, t'sais. Moi aussi, c'est au début, je crois. Oh, je sais pas en quoi. Écoutez, BDM, ça m'a permis d'enclencher réellement l'intégration, mais c'était juste une étape parmi tant d'autres. Voilà. Dans le sens que, comment je pourrais dire ça? Il faudrait à un moment donné. C'est des choses sur lesquelles. Moi, j'ai jamais été fan comme il y en a. Genre. Dans le sens BDM, c'est j'étais tout petit. Les premiers contacts avec le matériel. Puis il y avait quelque chose d'intuitivement qui fait que je ne l'aimais pas. Ça a été long, là, avant que. En tout cas, on en reparlera une autre fois. Que le monde fait. Ouais. Ça veut pas dire, tu sais, je suis reconnaissant pareil. Ça veut pas dire que tout est acheté. L'oiseau m'a quand même ressenti. Ah, je l'ai peut-être manqué, là. Ah, c'est quoi je parlais, donc? Ouais, des fois, on a des phases comme ça. Des fois, on a l'impression, on s'en va voir mieux, mais pourtant, on est comme, c'est comme si c'était le contraire. C'est des phases. Moi, je joue du piano en chantant comme un cowboy pour faire pleurer les ma tante. Catharsis complètement stérile, mais au moins, je suis OK, tant mieux. C'était comme. Comment il s'appelait, là? Il avait un chanteur. Il n'a pas eu de carrière longtemps. Ben, il a eu une longue carrière, mais c'est dans l'ombre de d'autres. Puis, voyons, il faisait rire de lui, là. De Chem. En tout cas, depuis que j'en parlais à des amis, je mange pas le temps, désolé, là. Ben oui, le plan astral et le plan éthérique. Ouais. Il reste ces affaires-là, ça vient pas de Bernard, là. C'est pour ça, à un moment donné, il va falloir. Bernard peut nous amener à des affaires, mais à un moment donné, il va falloir avoir l'autonomie de la perception. Puis se rendre compte que. C'est pour ça que moi, je dis fort du discernement, là, beaucoup. Le supramental, c'est pas Bernard de Montréal. Ça dépend, là, de quoi on parle. Mais quand même, là. Conscience émotionnelle à une mentale, la période évolutive, c'est pour dans 2000 ans. Ouais, là, je vais peut-être en perdre parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire, là, je m'excuse, là. Puis au fil, moi aussi, je suis rendu perdu, je vois même pas le. Qu'est-ce que j'allais dire, là? Je l'ai perdu. Mais là, ça va trop vite, là. Il y a trop d'affaires, là. Je l'ai perdu. Mais, ben, là, désolé, là, mais j'allais dire de quoi. En plus, c'est important. J'ai l'impression que c'est important. Ouais. Moi, c'est Richard qui me revenait pas dans le temps. Oui, il ne me revenait pas personne. Je me rends compte comment j'étais sensible, comment faire. Mais bon, ouais, moi, Bernard, quand, mettons, là, qu'il prend un certain temps, puis, ah, l'homme va vivre telle affaire, puis là, il va arriver telle affaire, puis là, gna, gna, gna. Ben oui, mais des affaires dans 2500 ans, des affaires et tout, tout le temps extraordinaires, genre. D'intégration dans l'éther, puis là, l'âme va vivre telle affaire. Moi, là, j'écoute ça, puis je m'en calisse. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Dans le sens que, à un moment donné, c'est pas réellement pertinent, c'est fascinant. Dans le sens qu'il y a des parties, j'ai l'impression, ça a été fait. Un côté, c'était intelligent, pareil. Je veux dire, c'était intelligent, pareil. Somme quand Pitre, même s'il n'y a plus de censure, ben, quand on parle du COVID, il s'en va pareil faire son émission pour Yoto pour dire qu'il ne peut pas en parler, mais le mettre sous sa patente. C'était intelligent. Je veux dire, il étudie dans, il a travaillé dans le marketing. Ben, Bernard aussi, quelque part. OK? C'est pour ça qu'il y a des affaires que. On s'en foutu dans 2500 ans. Qu'est-ce que tu veux que j'aie à faire là-dedans, moi, comme programmation? En tout cas, bon, j'ai dû manquer plein d'affaires, là, je m'excuse. L'humanité a du mal à passer d'une conscience émotionnelle à un moment. Bon, j'ai pas le temps, ça va trop vite. Quand je suis en train de lire de quoi, puis vous rajoutez quoi en bas, vous m'empêchez de le lire, hein? Ça va trop vite. Mais bon, en tout cas, là, je m'excuse, je suis rendu trop loin. Parce que je suis pas capable de remonter. Il faudrait que je me prenne une souris à part. Là, parce que. En tout cas, ça se voit que oui. Je sais pas. Je sais pas de quoi on parle. Pas Nostradamus, Nostradamus. Bon, de quoi on parle? Nous sommes d'accord, mais c'est lui, BDM, qui l'a partagé, parlé, parlé, parlé. BDM, là, il y a eu des influences pareilles. Il y a eu des influences pareilles. Puis c'est dur de le voir. Parce que pour le voir, faut avoir regardé la théosophie, l'anthroposophie, les différentes cosmogonies qu'il y a eu dans les années 20, 30, 40, 50. Les différentes modes qu'il y a eu. Puis là, maintenant, on se rend compte que oui, il y a quelque chose au niveau de la forme, en tout cas, le vocabulaire. Parce que même à un moment donné, lui, il dit, du moment donné, j'ai demandé pourquoi j'ai tout lu ça, parce que même il y a eu une bibliothèque ésotérique, Bernard. Puis il avait dit, ben, c'est pour que t'aies le vocabulaire. Ben oui, mais il y aurait eu moyen de parler de certaines affaires, même avec un vocabulaire plus accessible. Pas nécessaire d'avoir tout le. En tout cas, moi, je suis comme bande à part dans le sens que je suis resté bien, bien critique. Bien, bien critique. Puis ça me vient de mon enfance, que je me faisais casser les oreilles avec Bernard de Montréal. Puis que mon père était bien impressionné, que sa mère était bien impressionnée. Puis que moi, étant jeune, j'étais un enfant méfiant, qui n'était pas très impressionnable. Puis ça m'intéressait pas, ces affaires-là. Désolé, là. Bon, OK. Mon gros problème, c'est l'émotionnel, c'est pas encore. Bon, j'ai pas le temps. Moins vite, hein. C'est bon de rester, demeurer, ressourcer, moi. Pourquoi, Marie? Moi, là, j'en perds des bouts de Paris. Beaucoup de portails organiques dans cette matrice. Ça dépend de quoi on parle. Moi, ça, c'est un affaire, j'embarque pas là. J'embarque pas là-dedans. Allez dire à un animiste que selon vous, il y a du monde qui n'ont pas d'âme. Comment ils font pour fonctionner? Dans le sens que pour eux autres, ça va vouloir dire que vous parlez d'une partie qui est enlevée par un praticien. Là, je parle de certaines affaires, mais bon. Hein, ça va trop vite pour lire. OK. BDM avait l'accent parfait pour dire des mots qui finissent en al mental. Ouais, parce qu'il venait de Montréal. De Montréal. Là, Médusa, tout va directement dans le plexus. Les portails organiques, encore une chose, anyway, c'est ça. Là. Dans le sens que juste la forme, on est tous des portails organiques. Là. Un corps, c'est quoi? Un corps, c'est quoi sinon un portail organique? C'est ça, là. C'est parce que là, c'est du gnosticisme dans le fond. Quelque part, là. Ça vient un peu de ça. Puis même la spiritualité comme les coptes, puis bon. Ça dépend, là. Vivre au présent, ici et maintenant, c'est pas mal moins fatigant à la longue, surtout quand tu vieillis, moi. Ben oui, à un moment donné. C'est là que ça se passe, oui. Hein, quoi? Mais quel est le problème? Médusa, ça mange mes énergies. Ok, ça dépend de quoi je poursuivis. Oui, l'instant présent, ne pas regarder la pièce de théâtre extérieure. L'intérieur, la pièce de théâtre intérieure aussi est dangereuse. Hein? En tout cas, il y a vraiment un gros problème de vocabulaire. Ça dépend, c'est parce qu'on n'est pas ajusté dans le sens qu'on veut se conformer à des formes, on est vite. En tout cas, contact avec BDM, j'en ai gardé qu'il s'intéressait au mouvement et à ce qu'il avait laissé. Il regarde à revenir pour faire un truc qui dépote, mais il veut le préparer pour pas se faire blouser. Ça dépend, là, j'ai de la misère à vous comprendre. Question. Pour toi, la gnose, c'est bon ou mauvais selon toi? Moi, je ne peux pas polariser en bon ou mauvais. Mais la gnose, par la connaissance. L'opposé de la connaissance, pas l'ignorance, c'est le savoir. Dans le sens que le savoir, c'est instantané. Est-ce qu'on a besoin de passer à travers un processus initiatique de connaissance pour intégrer le fait qu'on le savait déjà, dans le fond? Puis qu'on avait, entre guillemets, la vérité au fond de nous-mêmes depuis le début. Puis qu'on. C'est un leurre. La connaissance pour me retourner d'où on était parti. C'est ça, là, dans le sens que le chemin serait plus intéressant, serait plus important que la destination. Je sais pas, là. J'aimerais ça te contacter. Moi, ouais, j'ai mon autre compte, je vois plus. Donc. Il faudrait regarder ça. Là, il y a sûrement moyen. Connaissance et savoir, c'est pas la même chose. Ben non. Non. Pas du tout. La connaissance, c'est un processus. Pour le savoir. Dans le sens que ça vous est jamais arrivé qu'il y a quelque chose que vous le savez. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça m'est arrivé, comme par exemple, quand vous êtes dans une situation, vous êtes en danger. Là, ça devient plus facile. Dans le sens que ça se manifeste, là. Ça se manifeste plus dans certaines périodes. Comme moi, mettons que j'ai beaucoup de choses à gérer, puis que j'ai plus le temps de réfléchir. J'ai pas le choix, là, de me fier à ça. Parce que si je m'en remets à la connaissance, ça ne marchera pas, là. J'aurai jamais le temps. Mais non, non, c'est complètement différent. Le savoir, c'est instantané. Le savoir, c'est instantané. Comme les enfants, ils ont le savoir souvent. Il y a beaucoup d'enfants, ils ont une grande sensibilité, puis ils ont un savoir. Puis là, après, au niveau de leur éducation, ils vont entrer dans la connaissance, puis on va les couper d'eux. Ironiquement, puis même, c'est pas ironique, là, mais il reste que les enfants seraient moins dangereux s'ils étaient moins éduqués. Il y aurait l'intuition de savoir, ah, lui, il est méchant. Dangereux. Il saurait. Le savoir, c'est instantané. C'est pas un processus intellectuel d'analyse, puis de. Sauf la différence entre le jugement et le discernement. Il y a des enfants, ils ont beaucoup de discernement, même s'ils n'ont pas de jugement. En tout cas, pour moi, un BDM ne doit pas être écouté, mais étudié. C'est parce que là, on va intellectuer quelque chose qui ne l'est pas. Étudier. J'irai observer, moi. Pour ça, il faut l'écouter. En tout cas, Bernard est inspiré de Sri Aurobindo. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ce qui fitait le plus avec ce qu'il parlait, dans le fond. Mais Bernard, il n'a jamais été dans il a jamais été dans la mouvance. Comme Rouville puis ces affaires-là. Même, il n'a jamais eu le même vocabulaire, ni. Dans le fond, il empruntait à plus large que ça. Mais je ne vois pas Bernard comme un. Tu sais, il en parlait des fois. Mais je ne le vois pas comme un adepte de Sri Aurobindo, pas en tout. Ben, à mes yeux, Bernard de Montréal, il va plus loin que Aurobindo. Ça se compare même. Aurobindo, pour moi, à côté, c'est arriéré. Il y en a pour qui c'est même pas encore abouti, puis que c'est encore en avance, mais moi, pour moi, c'est arriéré à côté. C'est pareil quand il parlait de rajeunir, je suis bon. Rajeunir, je suis. En tout cas. Bon, je sais pas de quoi vous parlez, là. De toute façon, il va falloir que je quitte bientôt. Car plus on s'affirme, moins on se fait voler son énergie. Ouais, ça, c'est dans le sens de l'autorité. Il n'y a pas besoin nécessairement de s'affirmer psychologiquement. Dis ce que tu as à dire. Moi, je suis correct, ça. Instinct, intuition égale savoir, pas nécessairement. Ça englobe ça. Ça englobe ça. C'est bon aussi, mais c'est côté religion, c'est ça, c'est parce que c'est spiritualisé. C'est haut astral un petit peu. La mer, là. Avez-vous vu diriger des sessions de yoga puis d'exercices puis Je sais pas, là. Moi, je n'irai jamais là. C'est parrainé par l'UNESCO à Aurorville, puis il y a plein de témoignages assez spéciaux par rapport à cette place-là. Moi, mes yeux, Auroville, moi, j'appelle ça Aurorville. Le parc thématique avec la plus grosse balle de golf au monde. Ben, je pense pas que Bernard y avait tant d'intérêt pour ça. Il n'est jamais allé, que je sache. Bernard, il y a bien des places où il est allé. Mais je sais que jamais, il me semble qu'il n'est jamais allé là. Ça ne veut pas l'intéresser tant que ça. En tout cas, Lionel, est-ce que j'ai dit c'est toujours intelligent, sauf quand j'essaie de l'être? Parce que ce n'est pas une attitude psychologique, l'intelligence. C'est un mouvement spontané. Puis, il y a un savoir, justement, mais c'est lié à l'être aussi. Parce que exciter puis être, c'est pas pareil. Un peu comme Bernard, hier, je l'écoutais. L'univers, il n'existe pas. Là, je l'écoutais, je me disais, ouais, mais le monde, ils verront pas qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi il dit ça? Puis, quel test, entre autres, une perception, mais il y a un temps du temps. T'as dit, il y a un temps en dehors de la perception. Mais même là, il y a un temps en dehors du temps qui est en dehors de la perception. Je me disais, le monde va être tout. C'est la façon qu'il le dit en plus. Puis, ça avait plus l'air pour accrocher puis fasciner. Même si c'était pas public, là. En tout cas, Lionel, très intelligent, et ça, penser pour intelligent, c'est pas la même chose. Habituellement, quelqu'un d'intelligent, il va pas se dire intelligent, il va pas se considérer comme intelligent. Ben, c'est pas une fausse identité, l'intelligence. C'est pas une identité psychologique. Donc, souvent, les gens les plus brillants du monde qui doutent. Ils s'observent en maudine, justement. En tout cas, on peut s'affirmer sans s'exprimer publiquement, juste en étant centré. Ouais. De toute façon, même quand vous parlez tout seul, ça a un effet. Quand vous percevez quelque chose, c'est au niveau de votre psychisme, il y a tout d'un coup quelque chose qui devient disponible, il n'est pas juste disponible pour vous. Nécessairement. Parce que l'intelligence, c'est collectif. Votre conscience est individuelle. On n'est pas intelligent tout seul. C'est-à-dire que ce qui se passe dans votre psychisme, vous n'êtes jamais vraiment tout seul. En tout cas, restez centré, tout va bien. En restez ancré. Ouais. BDM a créé son système et je lui lève mon chapeau. Comme vous, vous êtes un communicateur intéressant. Bien, merci. Mais vraiment, dans le fond, est-ce qu'on crée des systèmes? Ce n'est pas la systémique qui vient nous. En tout cas, ça dépend là. Moi aussi, j'appelle ça Horrorville. C'est une grosse place de New Ager, c'est ça. C'est ça. C'est des hippies, là. Ce qui reste des hippies. Puis, faut t'arrives là, faut que tu donnes ton argent, puis gérer mon argent. Ah oh, oui, hein, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Non, non, non. Pas question. Moi, c'est tous les témoignages qu'il y a eu de viol, de suicide, de vol. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Les petits tamouls qui se font abuser. Puis c'est quoi le problème? Puis en plus, c'est là qu'on voit, c'est corrompu, le gouvernement indien. La police, c'est tout corrompu. C'est tout corrompu. C'est un trou à rats, Orville. Un trou à rats. Tant qu'à faire, on va aller ailleurs. En tout cas, je veux rien savoir. Tu sais, il y a des belles histoires aussi. Mais c'est comme quand je dis le Vatican, c'est un trou à rats. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du bon monde là-dedans. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du bon monde aussi. Mais ce qu'ils font, moi, je le ferai pas. Parce que j'ai pas la patience, puis j'ai pas la programmation de faire du ménage. Moi, nettoyer des toilettes, ça m'écœure. Je l'ai déjà fait, puis j'aime pas ça. Il n'y a personne qui aime ça, mais genre, je suis pas programmé pour ce job-là. Donc, s'il y en a qui veulent vivre dans la merde puis faire le bien à tout prix, c'est correct, là, qui y a la horreurville. Mais il y a une grosse job à faire. Puis si vous la faites trop bien, d'après moi, vous allez mourir. Parce que c'est une clique, c'est parrainé par l'UNESCO, puis c'est lié à l'ONU, puis. En tout cas. En tout cas. c'est ça. Bon, j'en ai fini, j'en ai perdu, là. De toute façon. Je trouve qu'on a fini par tout observer et analyser. Observer et analyser, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, même. Non, moi, quand je parle d'observer, c'est pas ça. Ça a pas rapport avec l'analyse. Le discernement et l'analyse, c'est pas pareil. C'est-à-dire, moi, ce que je parle, c'est pas intellectuel. Entendre, Marie, que c'est pas non plus lié à un processus mental de pensée réfléchie. C'est pour ça que je vous dis, analyser pour observer, c'est pas pareil. Pas dans mon vocabulaire, en tout cas. Parce que quand vous observez, vous réfléchissez, faut pas réfléchir à ce qu'on observe. Sinon, vous vous désinformez. Vous vous désinformez, puis il n'y aura pas... si on observe, c'est pour voir du nouveau. Il n'y aura pas de nouveau si vous analysez. Dans le sens que, par intuition puis par mécanicité, vous allez donner des formes. Non, ça ne marche pas. C'est pas pareil. Comment je pourrais dire ça? L'observation réelle n'est pas intellectuelle, vraiment pas. C'est comme quand vous êtes dans un état second, entre deux états, puis que vous êtes un peu dans la lune, puis tout d'un coup, la solution apparaît, bang! Ça nous arrive tout à un moment donné. Ça, c'est de l'observation. Mais pour ça, il faut être disponible. Puis c'est pas être disponible au centre. Être concentré, ça prend un effort soutenu. Être centré peut être concentré, c'est pas pareil. En tout cas, là, tu veux bien définir le système, la systémique. La systémique, c'est le monde des lois. C'est le monde des structures. Les architectures énergétiques structurelles, puis les lois permutatives. C'est ça, dans le fond. La systémique, c'est ce qui fait que les flocons de neige n'ont pas un pareil, mais sont tous pareils. Hein? Il y a des lois de cristallisation. Donc, prenez les peuples nordiques qui se sont servis le langage runique. Il y a une matrice hexagonale, s'est rendu compte que c'était toutes des formes liées à l'hexagone. Mais c'est normal, c'est parce que les peuples du Nord, une partie de leur observation et de leur mysticisme est liée à la neige, à l'observation des flocons de neige. Ça, c'est systémique. Roville fait penser à John of God. Qu'est-ce que c'est ça, John of God? Jonestown, là? Jonestown, je pense que c'est pire. De l'autre côté, c'est moins pire parce que c'est fini. Hein? C'est comme dans la société. Ouais, vraiment, c'est très grave. Ce qui se passe là-bas, ils prennent la mer comme une déesse moderne, c'est sûr. On est en plein dans le... Moi et elle, là... Même ça après, je trouve que c'était mieux en avant. Il est allumé à un moment donné puis il est parti. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas le gourou qui reste là puis qui meurt là, c'est celui-là qui reste là un bout puis qui s'en va. C'est lui qui est intéressant. Parce que lui, il est. En tout cas, flocon, c'est 6 branches moins. Mais c'était des mystères des corps. Les 6, là. En tout cas, l'observation, ça me fait comme pas une empreinte, ni bien ni mal, c'est ça. Ben, c'est pas lié à la polarité. Médusa, quand quelque chose nous cherche, vampirisme énergétique, j'arrive pas à rester centré. C'est là que ça prend de l'autorité de la vraie. L'autorité, la vraie, là, pas besoin de rien dire. Ni de rien faire. Tout se place. Tout se place autour. Bon, en tout cas, mais des fois, ça prend... Des fois, si vous êtes en colère vibratoire, mettons que quelque chose vous met en colère, mais vous ne réagissez pas, laissez pas l'énergie prendre forme. Accumulez-la. Faites rien avec. Vous l'accumulez, vous restez là, puis Là, ça monte, ça monte, ça monte. Vous allez voir à un moment donné, là, vous allez la voir, l'autorité. Dans le sens que, ben, moi, c'est tout le temps de même que c'est comme des fois, à un moment donné, quand j'étais ado, il y avait deux enfants, tout le monde disait, sont tannés, sont pendus. Un soir, bon, c'est moi qui ai juste moi pour les garder. Ils ont été bien, bien tranquilles. Ils ont été bien, bien tranquilles. C'est pareil, les animaux. J'ai pas de problème avec les animaux. Un petit chien, moi, il va être propre la première journée. C'est pareil, peu importe lequel. Pourtant, je fais rien. Je fais rien. On se cause bien gros la tête. En tout cas. Hein? Bon, là, j'en manque, mais dis ça. OK. John of God, chirurgien psychique. Et, OK, bon, moi. Et médium brésilien condamné pour viol, il pratiquait en Abandiania, une petite ville de l'État de Goiás, dans le sud-ouest du Brésil. Mais le Brésil, c'est un pays de secte. Le spiritisme est une des religions officielles. L'Amérique du Sud, là, grosse, grosse programmation. C'est pas fini. C'est pas fini. En tout cas, et comment prononces-tu ton pseudo, Berthold? C'est comme ça que je le prononce. Berthold. Salut en passant. Bonjour. Là, c'est écrit en cyrillique, j'arrive pas trop à comprendre. Madame Kuzvanovitch, Marie, c'est pour ça, il faut savoir couper le lien. Ouais. Vous parlez russe? Ouais, je pense, Madame Kuzmanovitch aussi. Moi, c'est le cyrillique, là, je jamais, c'est un alphabet tellement. John of God a été popularisé par Oprah Winfrey. Et de tous les mauvais coups, elle, coudonc. De toutes les. Tout ce qui est dégueulasse passe par elle. Hein? Oprah Winfrey. Oh! Elle a été créée, elle, plus. En tout cas. En tout cas, j'aime mieux être riche comme je le suis que pauvre comme elle. Une façon de parler, mais je me comprends. C'est une esclave, hein? Qui est dans le trafic d'esclaves. Bon. Cyrillique chez nous, c'est obligé à l'école. Ouais, c'est sûr. Ah oui, c'est en Bosnie, c'est encore. Bon, c'est sûr. Hein? Tout cas, moi, je vais devoir quitter. Donc, bonne journée à vous. Je vais. D'où venez-vous au moi? Je sais pas. D'où venez-vous? Je sais plus. Merci. Merci pour votre direct. C'est bien apprécié. Bonne journée. Merci à vous. D'où je viens du nord du Québec. OK, wow, c'est Madame Kuzmanovitch, moi de Bosnie. Du coup, des tellement long à dire sur ce pantin de Léviette. Oprah Winfrey. Ouais. Elle a été créée. Hein. J'ai vraiment jusqu'à dire, il y a de la programmation. Les gens qui se pensent contrôleurs sont programmés aussi. Comment je pourrais dire ça? Même un hypnotiseur, faut qu'il lui-même, il se plonge un état second quand il suggestionne sans s'en rendre compte. En tout cas, hey, bonne journée à vous, Salomon. Non, Berthold, Marie-Jean, oui, c'est ça. Toujours un plaisir pour le partage. Bon, ben, merci à vous. Du coup, dommage, je venais tout juste d'arriver. Ben, vous prenez la, vous copiez-collez l'adresse en haut, puis vous pourrez revoir du début. C'est bien intéressant. Moi, Bosnie, comme Semir Sam Osmanovic. Moi, à un moment donné, là. Ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'un jour, peut-être, certains coins de l'Europe vont. En tout cas, bonne journée. Prenez des pays comme la Pologne, puis j'ai l'impression que la programmation n'est pas finie. Hein, ils vont encore. En tout cas, bonne journée. Je vais écouter le début. Bon, ben, bonne journée à tous. Ah, Julie, Madame Souci. Donc, bonne journée à tous. Puis, je sais pas quand je vais refaire quelque chose, ça dépend. Puis, il y a un moment donné, j'avais l'impression que, comme M. Blanchette, hein, il a fait de quoi sur le péché originel. La négation du péché originel. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça ne pas à moi. J'ai jamais nié ça, moi. Ceux qui ont jamais nié ça. Hein? C'est assez évident. On le voit. On le voit. On le voit. Sérieusement, il y a du monde qui dit qu'il s'est enrichi grâce aux pyramides. Ouais. Ça dépend, là. Ça dépend. Un bon vendeur, il va mêler. Bon, en tout cas. Bon, ben, bonne journée à tous. Djokovic, qui est allé visiter ça, puis qui se met des petites pastilles quantiques, là. Quel clown. Quel clown. Bon, ben, bonne journée. Mais je le bats pareil, là. Il y en a qui l'appellent Novax. Novax, Djokovic. Bonne journée à tous. Au revoir.